Leçon 2. Document 1, page 72. Et Sarah, comment elle va ? Bien, je crois. Mais je ne l'ai pas vue depuis 2 semaines. Je croyais que tu la voyais tous les jours. Je la vois un peu moins en ce moment. Son mari veut qu'elle fasse des tas de choses pour lui. Alors, elle est moins libre. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il veut qu'elle fasse ? Il voudrait qu'elle l'aide dans son travail, qu'elle aille à des rendez-vous à sa place, qu'elle apprenne l'anglais. Mais j'ai surtout l'impression qu'il ne veut plus qu'elle sorte comme avant. Tu crois qu'il est jaloux ? De qui ? De moi ? Pas de toi, mais de votre amitié. Vous êtes amis depuis longtemps ? Depuis plus de 10 ans. On est très proches l'une de l'autre. Téléphone-lui. Non, je n'ai pas envie qu'elle ait des problèmes à cause de moi. J'espère qu'elle m'appellera. Bon. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ce soir ? Qu'on aille au cinéma ? Qu'on dîne au restaurant ? Ou qu'on regarde la télé ? Moi, j'aimerais bien qu'on aille au restaurant. Ça te va ? Bien sûr, Sophie. Tu sais bien que je ne peux rien refuser à une amie.